directeur général Sonon France pour la remise officielle du disque d'or de Kofi Olomide, l'album Atlanta. Atlanta. Atlanta, disque d'or. Disque d'or, Kofi Olomide. Kofi. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Kofi Olomide. We'll be right back.

Bruxelles, Eric Koudia, Odogo Botekolo, Sambalé, Pierrot Leblanc, Ericsson. Mokili ezali boye sikoyo nga na yemi, soki ozali basekisi yo mino babimisi. Yopesaka mokongo mposo na yo basilisi, nga mpe nalanda te mponasi na mesano. Esala rien, esala rien, esala rien, nzambe nanga azali. Esala rien, mamami azali pe na rango. Mokili ezali boye sikoyo nga na comprendre, soki ozali basekisi yo babengi yo ami. Yopesaka mokongo dosie na yo eziki, nga mpe nakipa te la vie ezali bongo. Le chien bois la caravane passe, le chien bois la caravane passe. Ezali boye sikoyo nga na yebi, soki ozali basekisi yo babengi yo pire. Yopesaka mokongo nkombo na yo echange, nga mpe nalanda te mponasi na misana. Esala rien mamami ozali, esala rien Kili ezali boye sikoyo nga na yebi. Soki ozali basekisi yo babengi yo ami, ami. Yopesaka mokongo nkombo na yo echange, echange. lingangwe dinalangwe nalinio nalangwe te na ilina zosala tobalana ebonga kabuye loboko esimba loboko sebia chacho ravie chéri en toi soki un jour batunio dessiné l'amour le banamo te mise à déjà fait. Ouais, c'est vrai ça. Gravé en aïe, chéri en toi, sorti un jour batou mio, dessiné amour, le panamo t'es mis a déjà fait. Doré ma voix, toku fanatoye, manale lo yo bolingo, toko ma ba mesika. Songeur bakota chômage, le passé na yon la wenga, ton bois casté finamot, ton bombe. Le dorin avant, ton koufama toye, anale lo yo stéphi, ton koma ba mesika. Songeur bakota chômage, le passé na yon la wenga, ton bois casté finamot, ton bombe. Bébé à l'obaka, na moko loli bo sote, Stefi bongo te yanga, oyo lingi yo amour, eko linga ma, asomenga na buna yo. Bébé à l'obaka, na moko loli bo sote, chéri bongo la kisanga, oyo lingi yo Stefi, eko linga ma. Avec le temps ma koye ma avant toi chamou na ma koloza mba pesanga tare kale kaki mingi na banzela kili kili na mboko ya pesa penga na simba simba ki mingi biso na mampe bulaki kasi epuka kioto late pamote mananga yombeza laki koluka. Avec toi la vie nanga et comme une plénitude na mi pesi linga nga ye santa poupe sans retenue oe baka na bolingo balibisa na ka kwa kilo soa ma poulou ya kati ya mboka pati mona kara mikuse oe baka bolingo popa na mbape na kati te oda Abraham Akio gabe chite ya Patrick Kaos. J'ai mon tibia, il faut en faire comprendre. C'est ça quoi. À Germaine Mbidi. Ouais. La Katia Jakarta. Germaine Mbidi. John Mou. Moto moke Bongo ibili Didi Kinoani na Luanda mon amour yo kame na bufatu yo kame osa oblige au comprendre mais mais aye voyo salaye. Un moteur sans horizon, bateau ivre naviguant dans des eaux troubles. Bamou les belles, bassins et belles, et sanguissants à la yo. D'autonang et l'ambarango, favoris un pour soleil. Chaque été, n'y a pas d'autonang d'ailleurs, et comme un banquier à mon aïeux, tabou fatou. solution te atana salima be pardonne na me a culpa e dengana no mbozoba est ce que le loso ki otiki na pelo biso ki okite para que na zongeri ba me mbozoba est ce que zan soni tempo na omoto formanga yo. L'amour est un philanthrope merveilleux qui ne laisse passer que les belles couleurs. On parle. Soki o pesi ngai mbisi na kolia mokolo mokoye. Soki o tei ngai kopepa plus jamais na kokufa nzala. Pesa nga lelo etumbue zali te pour toute la vie. Kasi soki ekoboya ngai yo botolinga souffle ya vie pour toujours. Christ, so ki a sali lisumu, so ki a tubeli mabena ye. Nganga nzambe akolimisa ye, mpe akolesa eukaristia. Pourquoi yo lingi no konsala, bongo te pa inanga tabufatu maneke. Awa yo kangi maboko, lobi so ki o kitenga na we. Tumbanga bongo putulu nanga, utiana bile ya nya una yo. Na komo vivre antena ye. Okomo linganga a traverie, na komo yo kamongo na yo. Chaque fois ça que zo benga imiou miaou. Coco Chanel, Mayuyu na banda l'an 2000, ouais. Edi Bagat. Sylvia Makamu Kenta Carole Merdou Papito mwe katoda, Dieu t'a bouffatu. Yi, kana lela. Esi kalino eza kolomelo de moza mabate koleka. Esi kabato bazali sanga mote sanga mate kusalema. Kiko limi saleza li temo kile kolimwae. Pardonne encore et toujours, t'a bouffatu. Beje bilao. Kana lela. Preto ti akamite ma ijo bako kuna biso. Soki to le li ba mo ne va confesa biso mo choix. Pourquoi le jour j'y va pesa ka biso mo kongo. Souvent malheur na biso ba mo ne va zala ka ba ote na mo. Souvent malheur na biso ba mo ne va zala ka ba ote na mo. A ti se photo a mo. Iii, kana tuna. Pourquoi kaka ba to hier encore na zala ki ota na biso. Na la gare ya tendresse to kola ba to ba so kona na pongi. Arabe, moi et ton agressivité. Baïni bison, n'est-ce que musulman ina arabo. Ma comiota arabiso, n'est-ce que musulman ina arabo. Papicho, moi kato, me tiagira yé. Papicho, moi kato, aïe. Si bon bongo, si bon bongo. Wana l'ombre, resto en chengue presse. Tata ma passa, alléluia. Simon Bongo, Simon Bongo, visite ma sera. Michel Ondotke, aïe, Emily Bifiame, à l'ombre. Ah, Simon Bongo, à l'ombre. Simon Bongo, à l'ombre. Panino privé de tout, panino tourné amour, Ponini a bota linga ma papu avolo amour. La reine Aminata. Chers amis, je suis heureux parce que j'ai la visite de nombre de mes amis. Waiza, wasisa meno, kala inga mbungo, Imakimi. Tout le monde en position de tir. Thank you. Sige di Kesha. Dume ya nige nigele. Woye mwene mabu mape kankansi kusalo mata. Woye mwene mabu mape kankansi chino de sifa. Woye mwene mabu mape kankansi mimi shango. Woye mwene mabu mape kankansi stanulu pepa. Woye mwene mabu mape kankansi lutalanga lukebe. Woye mwene mabu mape kankansi visite chala. Pintolina, pueca, un calo, vanilo, va a ser yo, Ma béoyo, sa liga na zie, mon petit sacrifice. Peut-être que les goliga pelle, liga yo, dans un petit sacrifice. Thank you. Que yo te caí service Jean-Marie Molette. Thank you. a obligé à comprendre mais mais aïe vrai au salaire on a obligé au tel et l'amour pour ma vie voyant sans toi mais un moteur sans horizon bateau ivre naviguant dans des eaux troublantes bambou les belles mains sans ébélé et sangui sans malayo zoto nangé l'ambarango favoriez un po soleil chaque été n'y a zoto nangayo et comme un bon qui a amour yo tabou fatou solution très atana salima be pardonnez ma mea coupa et de nana longwa en bozoba est-ce que le rosso qui a dit qu'il n'a pas le biso qui a quitté par la queue la zongeri va me mouer bozoba est-ce que j'en sonne et tempo n'a eu mot en formant l'amour est un philanthrope merveilleux qui ne laisse passer que les belles couleurs mon pao soki opesi ngai mbisi nakolia mokolo moko ye soki otei ngai kopepa plus jamai nakokufa nzala pesa ngai lelo etumbu e ezali te kotuta la vie kasi soki ekoboya ngai yo botolinga soufle ya vie pour toujours mon krist soki asali lisumu soki atubeli mabe na ye nganga nzambe akolimisa ye mpe akolesa eukaristia pourkua yo olingi nokosala bongo te pai na nga tabufatu maneke awai okangi maboko lobi soki okitenga nawe tumbanga bongo putulu na nga otia na bilei ya niau na yo nakomo vivre ontei na ye okomolinganga a travers ye nakomo yoka mongongo na yo chaque fois soki ozobenga ye miau miau coco chanel mayoyo na nganda elandemila edi badiati Sylvia Makamu Kriketa Kanatuna Makaka Bato Tolika Kavemi Carole Merdou Jouraya Kako Tieni Soukoula Na Kotema Kasi Oparavan Baso Kete Soue Kote Anestesi Pasi Alambo Masakana Kitro Kanatuna Bongo Eko Mio Salane Tio Lojo E Zana Veta Demarche Nange Komine Tia Motu E Zana Rendez-vous La cimetière n'a mis la montée à la caliwae. Papi Chomwe Katona, Dieu est à vous fête. Qui, Kana Lela, et si Kalino et Zakolo, le monde est à ma bataille coléka, et si Kabato, Basali Sama, Fote Sama, Bate Kusalema, qui colimisse les alités, mon qui les colimouae. Pardonnez encore et toujours, la bouffate. Mais j'ai mis là-haut. Kana Lela, Kaeto tia kamite ma izro bako kuna biso Soki tole li ba mone bako pesa biso mouchwa Pourquoi le jour j'y va pesa ka biso mon kongo Souva malheur na biso ba mone ba zara ka ba ote na mou Souva malheur na biso ba mone ba zara ka ba ote na mou A ti se foto a ou I kaga tuna Pourquoi kaka ba to yer encore ba zara ki ote na biso Gaya tendresse, ton cola va tomber sur mon arapongi. Sous terre carnave, moi que bien agressivité. Baïni bison, n'est-ce que musulman y'a arabo. Ma première tarabiso, n'est-ce que musulman y'a arakoulou. Papi tcho mwe kato, mette à bien aïe. Papi tcho mwe kato, aïe. Si bon bon, si bon bon, wana l'ombre, restons chanel presse. Kata mabasa, aleluya Simon Bongo, Simon Bongo Désite ma sera Michel Ondotke, aye Emily Bifiame, na lombe A Simon Bongo, wana lombe Simon Bongo, ina lombe panino tu nega loko abo abo mafika ya yeyo abo abo abo kupinino bako yeyo mawe yomo kote ya kinga kupimwa panino bota linga mapaku abo abo. La reine Aminata. Nalalela Gérard Lefondja Nalalela Nono Sozinho Nalalela Evelyn Tele Nalalela Evelyn Tele Mui Mwela Na Hollywood Mui Mwela Wapi la reine Aminata Pepe Pepe Pepe Pepe Pepe Pepe Tolika ka mingi ajuba ya ka kotemi soli kula na motema kasi pa ba zo ka keso ya la motu kota ya la Dalida mama na Dachu Mama Rosa. Isol. C'est la voix de Zambé. Et tu l'as pas. Le bailleur de France. Viens la messager, Missa. Saint-Denis, Mignon Sali Rambo, A Tommy Nabaï de France Colayo, Et à la pointe au bout de ma pensée, Seigneur. Ayana Charostona, Ayemisa, Papa Rati, Panayo, Passale la Yabra, Grâce à Saint-Fanisé, Corrigato, Yabaje, Sonne Pique, Passale la Yabra, Le Maurice, Béja. Pourquoi à la voile et au gala, va changer d'adresse, fille à pas. kakina bileko ya bona etonda l'amour yekila ya lambu ezanga antidote ya ko libérenga conscience soko pa ino lobenga oyake paranga na ba parole fleurie au prometa kinga des années de bonheur fêtes d'amour Edito Molananga et si Kaliwanange Banaka Webe Olivier Mila pour le bébé la cabane Bazuma Sima Bayou Bangwangi Maloba voter le paquet ma promesse à ton salaké ma serment au tokataki ni quoi ni on anniversaire. Yeah. Zombole, Zombola, Zombolo. Dombola number one, na na na na. Number one, oh. Yo yo yo yo yo yo, kamata. Aguilera.